Chapitre 12. Ô, mes souvenirs, compagnons fidèles, je ne puis faire un pas en ce monde sans que vous vous dressiez devant moi. Lorsque, Laurence au bras, du haut d'une galerie, j'ai jeté un regard rapide autour de la salle pleine de bruits et de lumières, j'ai revu, dans une vision soudaine et douloureuse, l'air pavé de cailloux où les filles de Provence dansent le soir, au son du fifre et du tambourin. Comme nous nous moquions alors. Les paysannes, non pas celles de nos songes, celles qui avaient des visages et des cœurs de reines, mais les pauvres créatures que la terre ardente flétrit avant le temps, nous paraissaient sauter avec lourdeur, nous jetant un rire niais au passage. Nos yeux se fermaient à toute réalité. Nous apercevions, au-delà des horizons, d'immenses palais, des salles aux pavés de marbre, aux voûtes hautes et dorées, emplies de tout un peuple de jeunes femmes qui s'agitaient avec une large harmonie dans un nuage de dentelles étoilées de diamants. Vraiment, nous étions de grands enfants. Aujourd'hui, frère, les paysannes sont vengées de nos dédains. Je voyais, de la galerie où je me trouvais, une sorte de salle oblongue, assez vaste, ornée de peintures et de dorures déteintes. Une fine poussière, que soulevaient les pieds des danseurs, montait lentement du plancher, comme un brouillard, et emplissait la voûte. Les flammes claires du gaz rougissaient dans cette nuée. Toute chose prenait une apparence vague, une étrange couleur de vieux cuivre. Puis, au fond, galopait une ronde effrayante de créatures qu'on ne pouvait distinguer. La furie de leurs gestes semblait se communiquer à l'air épais et nauséabond. Dans cet oscillement, je croyais voir les murailles s'agiter, tourner avec la foule. Une clameur perçante, accompagnée d'une sorte de roulement continu, dominait l'orchestre. Je ne saurais vous dire mon impression première en ce lieu, où chaque chose vivait pour moi d'une vie particulière et inconnue. Les bruits qui glapissaient, rires sonores éclatant en sanglots, les lumières aux lueurs rouges, les mouvements effrayants de folie, les senteurs âcres et étouffantes, tout m'arrivait en une sensation aiguë qui emplissait mon être d'un vague effroi, auquel se mêlait une volupté douloureuse. Je ne pouvais rire, car je sentais ma gorge se serrer. Et cependant, je ne pouvais détourner la tête, jouissant d'une joie cuisante dans ma souffrance. Je comprends aujourd'hui l'attrait de ces soirées brûlantes. Au premier jour, on frémit, on se refuse à la terrible gaieté, puis l'ivresse vient, et la tête perdue, on s'abandonne au gouffre. Les âmes communes sont vite acquises. Celles qui ont la force de leurs rêves, oserais-je, frère, me compter parmi ces dernières, se révoltent, et dans leur franchise regrettent les airs de Provence où les lourdes paysannes dansent au milieu de la nuit fraîche et transparente. De la galerie où nous étions, nous ne pouvions voir que l'ensemble de la scène. Nous sommes descendus, gagnant le bas par des escaliers et des couloirs étroits et obscurs. Arrivés dans la salle, nous avons dû suivre un mince sentier ménagé entre les murs et les quadrilles. Tout désir s'en est allé. Je n'ai plus eu que du dégoût. Les femmes étaient vêtues de loques, de soie en lambeaux, pailletées de cuivre noirci. Leurs épaules nues ruisselaient. Le phare, par large mare, par longue traînée, rougissait, bleuissait leur peau. Une d'elles, le visage enflammé et la voix enrouée, s'est tournée vers moi, gesticulant et criant. L'étrange, la laide figure. Je la reverrai dans mes mauvais songes. Je ne me souviens point d'avoir aperçu les hommes. Ils étaient, ce me semble, droits et immobiles pour la plupart, regardant avec un grand calme les sauts désordonnés des femmes. Je ne saurais dire quels gens ce pouvaient être, ni s'ils paraissaient comprendre toute leur sottise. Là, déjà, sentant ma tête se fendre, j'ai gagné une table, traînant toujours Laurence à ma suite. Nous nous sommes assis, et j'ai bu ce qu'on nous a servi. étudiant ma compagne. Laurence, à son entrée, avait souri, frémissant d'aise, aspirant largement cet air vicié, si doux à ses lèvres. Le sourire s'était bientôt évanoui. Elle avait repris son visage morne. Parfois, elle allongeait le bras et touchait la main à une femme, à un homme qui passait. Alors, le sourire se montrait quelques secondes, puis il disparaissait de nouveau. Renversée à demi sur sa chaise, les pieds appuyés sur un petit banc, elle se balançait avec lenteur, regardant dans la salle d'un air attentif et ennuyé à la fois. Elle promenait ses regards de groupe en groupe, silencieuse, tournant la tête à chaque nouveau bruit, semblant vouloir ne rien laisser échapper. Mais il y avait tant de fatigue dans son attention que je me demandais, à voir sa face pâle et désolée, quel singulier plaisir elle pouvait ressentir pour en témoigner si peu. À deux reprises, croyant que ma présence la gênait, je lui ai dit de me quitter, si bon lui semblait, d'aller voir ses amis, de danser en toute liberté. « Et pourquoi me lèverais-je » m'a-t-elle répondu tranquillement. « Je suis bien, je suis contente. Es-tu là de m'avoir près de toi ?» C'est ainsi que nous avons passé 5 heures face à face dans un coin de la salle, moi dessinant sans le savoir des bonshommes sur le marbre de la table avec les quelques gouttes de liqueur tombées d'un carafon, elle gardant une gravité et un silence désespérant, les mains croisées sur sa jupe que tendaient ses genoux écartés. J'avais fini par ne plus avoir conscience de ce qui se passait autour de moi. Le bal tirant vers sa fin, j'étouffais davantage. C'est la seule et dernière sensation dont je me souvienne. Lorsque le galop final m'a tiré de cette sorte de stupeur profonde, j'ai vu Laurence se lever. Elle a juré et a donné un coup de pied au petit banc qui s'était embarrassé dans ses jupons. Puis, elle a pris mon bras, nous avons fait un dernier tour dans la salle avant de sortir. Sur le seuil, Laurence s'est tournée en bâillant, jetant un dernier regard à la ronde échevelée des danseurs qui vociféraient au milieu d'un vacarme épouvantable. En mettant le pied dans la rue, un vent glacial qui m'a frappé au visage m'a causé une sensation délicieuse. Je me suis sentie renaître au bien, à la vie libre et énergique. L'ivresse s'est dissipée, et sous la pluie fine de décembre, j'ai eu un instant d'ineffable volupté, jetant là tous les dégoûts de cette nuit brûlante. J'ai eu conscience de ces misères que je quittais. J'aurais voulu m'en aller par les rues, laissant l'eau glacée me pénétrer et renouveler mon être. Laurence tremblait à mon côté. Elle avait noué son mouchoir sur ses épaules nues. N'osant s'aventurer, elle regardait d'une façon désespérée le ciel sombre et les ruisseaux qui inondaient les trottoirs. La pauvre fille n'avait à attendre de ce ciel d'hiver que quelques fluxions de poitrine. Il me restait 2 francs. J'ai couru arrêter un fiacre. J'y ai fait monter Laurence. Elle s'est blottie dans un des coins, et là, s'est tenue silencieuse, sans cesser de trembler. Je la distinguais, à ma gauche, comme une blancheur effacée. Parfois, une goutte de pluie, restée sur ses vêtements, roulait jusqu'à ma main. Au bout d'un instant, une sorte d'accablement m'a pris. Le sommeil a fermé mes yeux. Dans cette somnolence, il me semblait entendre la clameur du bal. Les cahots de la voiture m'enlevaient, comme dans une danse furieuse, et les essieux, aux cris aigres, jouait ces airs qui toute la nuit m'avaient empli les oreilles. Lorsque, fiévreuse et obsédée, j'ouvrais les paupières, je regardais stupidement les murs de cette étroite caisse qui me paraissait pleine de fanfares et de tumultes. Puis je sentais un grand froid. Je me souvenais, retrouvant sous ma main la main glacée de Laurence. Au dehors, la pluie tombait, les lumières vacillantes fuyaient rapidement. La fatigue l'emportait, et de nouveau j'étais entraînée au milieu de rondes gigantesques, sans cesse renaissantes. Il me semble aujourd'hui me souvenir vaguement d'avoir ainsi dansé pendant de longues heures. Je me trouvais cloué sur une banquette, aux côtés d'une femme qui frissonnait, et je ne sais comment, je tournais dans une sorte de boîte qui roulait avec fracas au fond d'un gouffre glacial. Remonté dans ma chambre, tandis que Laurence ôtait son costume, j'ai jeté dans la cheminée tout le bois qui me restait. Puis je me suis hâté de me mettre au lit, heureux comme un enfant de me retrouver dans ma misère, regardant avec amour les grandes clartés et les grandes ombres que les flammes du foyer faisaient monter le long de mes pauvres murs. Le calme s'était fait en moi, dès le seuil de cette chambre retirée. La tête sur l'oreiller, paisible, presque souriant, je regardais ma compagne, qui, pensive devant le feu, quittait un à un ses vêtements. Elle est bientôt venue s'asseoir à mes pieds, sur le bord du lit. Rompant enfin le silence qu'elle avait gardé jusque-là, elle s'est mise à parler avec volubilité. Enveloppée dans sa chemise, les pieds repliés sous elle et les mains jointes, ramenant les genoux, elle riait aux éclats, penchant la tête en arrière. Elle semblait avoir hâte de rendre toutes les paroles, toutes les gaietés amassées. Pendant près d'une heure, elle m'a entretenu de mille incidents du bal. Elle avait tout vu, tout entendu. C'étaient des exclamations sans fin, des joies soudaines, des souvenirs pressés et tumultueux. Un monsieur avait glissé de telle façon, une dame avait juré de telle autre. Jeanne portait un costume de laitière qui lui seyait à merveille. Louise était laide en écossaise. Quant à Édouard, il avait certainement engagé sa montre le matin même. Et elle ne tarissait pas, trouvant toujours quelques nouveaux détails, répétant 10 fois le même fait plutôt que de se taire. Puis, comme le froid la prenait, elle s'est enfin couchée. Elle m'a affirmé ne s'être jamais tant amusée au bal et m'a fait jurer de l'y conduire de nouveau dès que je le pourrais. Elle s'est endormie ainsi, me parlant encore, riant dans son sommeil. Ce brusque réveil, cette fièvre de parole, m'ont étrangement étonnée. Je n'ai pu et je ne puis m'expliquer encore la froideur, l'indolence de cette fille au milieu du tumulte de la nuit, et ces éclats de gaieté, ces bavardages du matin, dans notre chambre triste et muette. Pourquoi m'arracher la promesse de la mener le plus souvent possible à ces bals où elle riait, où elle dansait si peu? Puis, si elle était de bonne foi, quelle était donc cette joie singulière qui se manifestait par le silence et la méchante humeur, qui éclatait plus tard en rires épais et voluptueux? Monde inconnu de la chair et des passions infâmes, où je trouve des étonnements à chaque pas. Je n'ose encore fouiller toutes ces misères, cette poitrine de femme, froide dans ses désirs, affaissée et endormie dans ses joies. Je l'ai crue sauvée, elle me revient plus terrible, plus impénétrable que jamais. Chapitre 13. Vous vous plaignez de mon silence. Vous vous inquiétez et me demandez quelles nouvelles tristesses me font tomber la plume des doigts. Frère, ce sont nos ridicules imaginations d'enfant qui se dissipent une à une. Cet adieu des espoirs du jeune âge a, dans sa rudesse salutaire, de profondes amertumes. Je me sens devenir homme, je pleure mes faiblesses qui s'en vont, tout en tirant un grand orgueil des forces qui me viennent. Que la jeunesse serait sotte si elle n'avait sa belle naïveté. La bêtise sur les lèvres de l'enfant est une adorable ignorance dont les hommes sont doucement réjouis. Voici 1 mois à peine, j'étais encore un sot. Je vous parlais naïvement de la rédemption des filles. Certes, à m'entendre, un vieillard eût à la fois souri de son meilleur sourire et secoué ironiquement la tête. Il aurait donné le sourire à la jeune âme qui avait foi en toute perfection, et adressé le sourire à l'absurde petit garçon qui tentait hardiment le miracle que Jésus seul a pu faire. Assez de mensonges. La vérité brutale a d'étranges douceurs pour ceux que tourmente le problème de la vie. Ils sont las de ces espérances que les mères lèguent aux enfants et qui, lentes à se dissiper, les abandonnent une à une, allongeant leur martyr. Moi, je préfère, dussé-je souffrir tous mes déchirements en un jour, voir clair en ce monde de débauche où je suis descendu. Sans doute, il s'est rencontré de grandes repenties. Des femmes aux vastes amours ont parfois donné à un seul être ce cœur qu'elles partageaient entre tous, et alors elles ont été pardonnées. Mais ce sont là les miracles. Les lois communes veulent que les cœurs partagés se dispersent en chemin et que les morceaux ne puissent en être réunis à l'heure suprême. Écoutez, frères, lorsque la Madeleine se traînera à vos pieds, maudissant ses erreurs passées, vous promettant une nouvelle jeunesse d'amour, ne la croyez pas. Le ciel est avare de prodiges. La Providence entrave rarement nos fatalités. Dites-vous que le mal est puissant et qu'en ce monde, le mensonge ne se fait pas vérité pour l'unique soulagement d'une pauvre âme qui souffre. Repoussez la Madeleine, niez ses larmes et son cœur, raillez toute rédemption. Voilà la sagesse. Allez, je sens l'expérience me venir. Laurence est une âme souillée à jamais, une intelligence perdue, une créature endormie à ce point qu'aucune brûlure ne pourrait la réveiller du sommeil qu'elle dort dans la boue. Je meurtrirai sa chair, je briserai ses os sous le bâton, je m'adresserai à son cœur, je soulèverai sous des baisers ses paupières affaissées. Elle resterait toujours là, à mes pieds, accroupie, sans un frisson, sans un cri de douleur ou de joie. J'ai par instant des désirs de lui crier « Lève-toi et battons-nous, réveille-toi et crie, jure, montre-moi que tu vis encore en me faisant souffrir. » Elle me regarde avec ses yeux éteints. Je recule, effrayé, n'osant parler. Laurence est morte, morte de cœur et de pensée. Je n'ai rien à tenter sur ce cadavre. Frère, je n'ai plus la moindre espérance. Je ne veux plus m'occuper de cette fille. Elle a refusé ma vie de travail. Je n'ai pu accepter sa vie de débauche. Le rêve était trop haut. La réalité m'a paru un gouffre. Je m'arrête et j'attends. Quoi ? Je l'ignore. Je n'ai que faire de me justifier devant vous. Je sais que vous voyez clair en mon âme, que vous expliquez mes actes par des pensées de justice et de devoir. Vous avez plus de confiance en moi que je n'ose en avoir moi-même. Par moments, je m'interroge, je me juge comme me jugent sans doute les passants que je coudoie en cette vie. Je m'effraie de ce vice qui m'entoure sans me vicier, de cette femme qui dort à mon côté sans être ma compagne. Alors, désespéré, j'ai des envies de faire ce que feraient les autres, de prendre Laurence par les épaules et de la pousser dans la rue où je l'ai trouvée. Elle y tomberait, aussi nue, aussi désolée, ayant au front la même misère et la même infamie. Et moi, je fermerais ma porte tranquillement, ne lui ayant rien volé, ne lui devant rien. La conscience est large. Il y a des gens qui ont la science de rester honnêtes, en devenant lâches et cruelles. Laurence s'impose à moi de toute la force de son abandon. Elle reste là, tranquille et passive. Je ne puis pourtant pas la chasser. Ma misère m'empêche de la payer pour qu'elle s'en aille. Nous sommes liés fatalement l'un à l'autre par le malheur. Tant qu'elle demeurera près de moi, je croirai devoir accepter sa présence. J'attends donc, et je le répète, j'ignore ce que j'attends. Comme Laurence, je m'affaisse. Je vis dans une sorte de somnolence douce et triste, sans trop souffrir, n'éprouvant au cœur qu'une grande fatigue. Après tout, je ne suis pas irritée contre cette fille. Je sens en moi plus de pitié que de colère, plus de tristesse que de haine. Je ne lutte plus, je m'abandonne. Je trouve dans la certitude du mal un repos étrange, un apaisement de tout mon être. Chapitre 14. Vous souvenez-vous du grand Jacques, ce long garçon pâle et tranquille? Je le vois encore, se promenant à l'ombre des platanes dans le préau du collège. Il marchait d'un pas lent et ferme, poussant du pied les cailloux. Il riait paisiblement, raisonnant ses sourires, et vivait dans une suprême indifférence. Je me rappelle qu'en un jour d'épanchement, il me confia le secret de sa force. Je ne compris rien à ses confidences, si ce n'est qu'il se proposait de vivre heureux, en murant son cœur et sa pensée. À 15 ans, je ne rêvais que du grand Jacques. J'enviais ses longs cheveux blonds, sa superbe indolence. Il était, parmi nous, un type d'élégance et d'aristocratique dédain. J'avais été surpris par cette nature égoïste qui n'avait rien de jeune ni de généreux. Je m'étais mise à admirer cet enfant terne et froid qui passait au milieu de nous avec la gravité indulgente et supérieure d'un homme. J'ai revu le grand Jacques. Il est mon voisin. Il habite la même maison que moi, 2 étages plus bas. Hier, je montais l'escalier lorsque j'ai rencontré un jeune homme et une jeune femme qui descendaient. Le jeune homme, sans hésitation et tout naturellement, m'a tendu la main. « Comment vas-tu, Claude ? » m'a-t-il demandé. Il paraissait m'avoir quitté la veille. Il avait à peine interrogé mon visage, et moi, j'interrogeais le sien dans la demi-obscurité du palier, sans pouvoir me rappeler ses traits. Sa main était froide. Je ne sais à quelle sensation étrange j'ai reconnu cette chair calme et indifférente. « Est-ce toi, Jacques ? » me suis-je écrié. « Bon Dieu, tu as encore grandi !»« Oui, oui, c'est moi, » m'a-t-il répondu avec un sourire. « Je loge là, au fond du couloir, au numéro 17. Viens me voir ce soir, entre 7 et 8 heures. » Et il est descendu sans tourner la tête, précédé de la jeune femme, qui me regardait avec de grands yeux d'enfant. Je suis resté un instant, penché sur la rampe, suivant des yeux ce garçon qui s'en allait d'un pas calme, tandis que mon cœur sautait violemment dans ma poitrine. Le soir, je suis descendu au numéro 17. La chambre est meublée avec le luxe faux et écœurant des hôtels garnis de Paris. Vous ne pouvez vous imaginer, frère, quel air misérable et honteux ont ces draperies rouges, éraillées et grises de poussière, ces meubles noirs et graisseux, ces faïences fêlées, ces objets sans nom, loques et débris qui s'étalent le long de murs humides. Ma mansarde est plus nue, mais elle n'est pas plus laide. 2 fenêtres, hautes et larges, garnies de minces rideaux de mousseline, versent une lumière crue sur tout ce délabrement. Il y a là un lit enveloppé de rideaux d'étain, une armoire à glace ternie et éclatée au flanc, un canapé et des fauteuils déplorables, jaunis par l'usage, puis une toilette, un bureau, une table, des chaises, meubles dépareillés, meubles de salle à manger, de chambre à coucher, de salon, de cabinet. L'ensemble a je ne sais quoi de prétentieux et de sale qui répugne. Au premier regard, on peut croire que l'on entre dans une chambre honnête. Au second, on voit la crasse sur l'acajou et sur le damas. On éprouve comme une impression de vice et de malpropreté. Je me suis sentie attristée par l'aspect malsain de cette chambre. J'ai respiré avec dégoût cet air épais et nauséabond, puant la poussière, le vieux vernis et les étoffes fanées, odeur âcre et étouffante, qui est la même dans tous les hôtels. Jacques, assis devant le bureau, travaillait paisiblement, un code ouvert devant lui. La jeune fille était couchée sur le canapé, les yeux au plafond, silencieuse et grave. Jacques a tourné son siège à demi. Sa face m'est apparue en pleine lumière. C'est bien toujours le même visage, un visage superbe et indifférent. On y lit une volonté forte, faite d'égoïsme et de froideur. L'homme est devenu ce que promettait l'enfant. Notre ancien camarade doit être dans la vie ce que l'on appelle un garçon pratique et sérieux. Il tend à un but, il veut être avocat, avoué ou notaire, et il marche avec toute la puissance de sa tranquillité. Le cœur fermé, la chair calme, il accepte ce monde sans remerciement ni révolte. Jacques est une honnête nature, un esprit juste qui vivra honorablement selon le devoir et les mœurs. Il ne faiblira pas parce qu'il n'aura pas à faiblir. Il passera droit et ferme, n'ayant rien à haïr ni à aimer. Dans ses yeux clairs et vides, je n'ai pas trouvé l'âme. Sur ses lèvres pâles, je n'ai pas vu le sang du cœur. Devant ce jeune homme, paisible et souriant, accoudé sur ses livres de travail et me tendant sa main fraîche, j'ai songé à moi, frère, à mon pauvre être, que secoue sans cesse la fièvre des désirs et des regrets. Je n'avance qu'en chancelant. Je n'ai pas pour me protéger cette belle tranquillité, ce silence du cœur et de l'âme. Je suis tout chair, tout amour. Je me sens vibrer profondément à la moindre sensation. Les événements me mènent. Je ne puis les conduire ni les surmonter. Demain, dans ma vie libre, s'il m'arrive de blesser le monde se détournera de moi parce que j'aurai obéi à ma fierté et à mes tendresses. Jacques sera salué, ayant suivi la route commune. Je n'ose dire tout haut que la vertu est une question de tempérament. Mais, frère, je pense tout bas que les Jacques sur cette terre sont lâchement vertueux, tandis que les Claude ont cet effroyable malheur d'avoir en eux une éternelle tempête, un désir immense du bien qui les agite et les conduit hors des jugements de la foule. La jeune fille avait penché la tête et me regardait, la bouche entrouverte, les yeux agrandis. Son visage a la blancheur transparente de la cire, avec des rougeurs mates aux joues. Ses lèvres pâles, ses paupières molles et bistrées donnent à sa face un air d'enfant malade et résigné. Elle a 15 ans, et par instant, lorsqu'elle sourit, on lui en donnerait à peine 12. Tandis que Jacques me parlait de sa voix lente, je ne pouvais détacher mes regards de ce visage poignant, si jeune et si éteint. Il y avait sur ce front candide une lassitude, une langueur profonde. Le sang ne coulait plus sous la peau. Les frissons de la vie ne faisaient plus frémir cette chair endormie. N'avez-vous jamais vu dans son berceau une petite fille que la fièvre a rendue plus blanche, plus innocente encore? Elle dort, les yeux grands ouverts. Elle a un visage d'ange, doux et reposé. Elle souffre et elle paraît sourire. L'étrange petite fille que j'avais devant moi, cette femme qui était restée enfant, ressemblait à ses sœurs au berceau. Seulement, ici, c'était pitié plus grande à voir sur un front de 15 ans, tant de pureté et tant de pâleur. Toutes les grâces naïves de la jeune fille et toutes les fatigues honteuses de la femme. Elle avait replié les bras et soutenait sa tête languissante. J'ignorais son histoire, je ne savais qui elle était ni ce qu'elle faisait là. Mais à tout son être, je voyais l'innocence de son cœur et la honte de son corps. Je reconnaissais la jeunesse de ses regards et la vieillesse prématurée de son sang. Je me disais qu'elle allait mourir de décrépitude à 15 ans, vierge d'âme. Émaciée et affaiblie, elle s'étendait comme une courtisane et souriait comme une sainte. Je suis restée 2 grandes heures entre Jacques et Marie, regardant ces 2 êtres, étudiant ces 2 visages. Je ne pouvais deviner ce qui avait rapproché un tel homme d'une telle femme. Puis, j'ai songé à Laurence et j'ai compris qu'il y a des unions fatales. Jacques m'a paru satisfait de l'existence qu'il mène. Il travaille, il règle ses plaisirs et ses études. Il vit la vie d'étudiant sans impatience, même avec une certaine complaisance tranquille. J'ai remarqué qu'il mettait quelque orgueil à me recevoir dans une si belle chambre. Il ne voit pas toute l'ignoble laideur de ce luxe de mauvais lieu. D'ailleurs, ce n'est ni un vaniteux ni un fat. Il est bien trop pratique pour avoir de pareils défauts. Il ne m'a parlé que de ses espérances, de sa position future. Il a hâte de n'être plus jeune et de vivre en homme grave. En attendant, pour faire comme tout le monde, il consent à habiter une chambre de 50 francs par mois, il veut bien fumer, boire un peu, même avoir une maîtresse. Mais il considère tout cela comme une mode qu'il ne peut refuser. Il entend, dès le dernier examen, se débarrasser de son cigare, de Marie et de son verre, comme de meubles désormais inutiles. Il calcule, à une minute près, l'heure à laquelle il aura droit au respect des gens de bien. Marie écoutait les théories de Jacques avec un calme parfait. Elle paraissait ne pas comprendre quel était un des meubles qu'abandonnerait le jeune homme pour cause de déménagement. La pauvre fille se souciait sans doute peu d'appartenir à celui-ci ou à celui-là, pourvu qu'elle eût un canapé où elle pût reposer ses membres endoloris. D'ailleurs, Jacques et Marie se parlaient avec une douceur qui m'a surpris. Ils semblent s'accepter, se ménager l'un l'autre. Ce n'est ni amour, ni même amitié. C'est un langage poli qui évite toute querelle et maintient le cœur dans une complète indifférence. Jacques doit être l'inventeur de ce langage. Au bout d'une heure, il a déclaré qu'il ne pouvait perdre son temps davantage. Il s'est remis au travail en me priant de rester, affirmant que ma présence ne le gênait en aucune façon. J'ai approché ma chaise du canapé et me suis entretenue à voix basse avec Marie. Cette femme m'attirait. Je me sentais pour elle des tendresses, des pitiés de père. Elle cause en enfant, tantôt par monosyllabes, tantôt avec volubilité, passionnément et sans s'arrêter. Je l'avais bien jugée. L'intelligence et le cœur sont restés chez elle en bas âge, tandis que le corps grandissait et se souillait. Elle a une naïveté exquise, horrible parfois, lorsque, avec un doux sourire et de grands yeux étonnés, elle laisse échapper de grossières paroles de ses lèvres délicates. Elle ne rougit pas, ignorant la rougeur. Elle ne paraît point avoir conscience d'elle-même et se meurt doucement, ne sachant ni ce qu'elle est, ni ce que sont les autres jeunes filles qui se détournent lorsqu'elle passe. Peu à peu, elle m'a conté sa vie. J'ai pu, phrase à phrase, reconstruire cette histoire lamentable. Un récit m'aurait déplu, car j'aurais hésité à croire. Je préfère qu'elle se soit confessée, sans le savoir elle-même, par aveu partiel, au hasard de la conversation. Marie pense avoir 15 ans. Elle ignore où elle est née et se rappelle vaguement une femme qui la battait, sa mère sans doute. Ses premiers souvenirs datent du ruisseau. Elle se souvient qu'elle y jouait et qu'elle s'y reposait. Sa vie a été une longue promenade dans les rues. Il lui serait très difficile de savoir ce qu'elle a fait jusqu'à l'âge de 8 ans. Lorsqu'on l'interroge sur ses premières années, elle répond qu'elle ne sait plus, ayant eu trop faim et trop froid. À 8 ans, comme toutes les petites misérables, elle vendait des fleurs. Elle couchait alors à la barrière Fontainebleau, dans un vaste grenier sombre, avec toute une troupe d'enfants de son âge, garçons et filles, qui dormaient pêle-mêle. De 8 à 14 ans, elle est venue à ce chenil, choisissant son coin chaque soir, embrassée par les uns, battue par les autres, grandissant dans le vice et la misère, sans que rien l'avertît ni révoltât son cœur. Elle était déjà infâme, et elle ignorait encore qu'elle possédât un corps et des sens. Elle avait fait le mal avant de savoir que le mal existait. Aujourd'hui, en pleine débauche, elle gardait son visage d'enfant, n'ayant jamais cessé d'être vierge et innocente. La souillure s'était mise en elle trop tôt pour qu'elle pût être souillée. J'avais maintenant le sens de ce visage étrange, fait d'impudeur et de naïveté, d'une beauté jeune et fanée. Je m'expliquais cette petite fille cynique, cette femme usée, qui se mourait avec le calme et la blancheur d'une martyre. Elle était fille de la grande ville, et la grande ville en avait fait cette créature monstrueuse qui n'était ni un enfant ni une femme. Dans cet être, où personne n'avait évoqué l'âme, l'âme dormait encore. Le corps lui-même ne s'était jamais éveillé sans doute. Marie se trouvait être une simple d'esprit et de chair qui se livrait par abandon, restait pure dans la fange, ne sachant rien et acceptant tout. Je la vois là, devant moi, flétrie déjà, avec son bon sourire, me parlant de sa voix un peu rauque, comme nos sœurs nous parleraient de leurs poupées, et je me sens au cœur un grand serment. À 14 ans, une vieille femme, qui n'avait aucun droit sur elle, la vendit. Elle se laissa acheter. Elle s'offrit presque d'elle-même, comme elle offrait ses bouquets de violettes. Elle avait encore les joues roses, et ses rires résonnaient gaiement. Elle eut des robes de soie, des bijoux. Elle accepta la soie et l'or, comme des jouets, déchirant, jetant tout par la fenêtre. D'ailleurs, Marie vivait ainsi parce qu'elle ne savait pas que l'on peut vivre autrement. Elle n'avait point le sens du luxe, elle aurait accepté indifféremment un bouge ou un hôtel. Il lui plaisait de vivre oisive, à regarder les murs. La souffrance qui la courbait déjà lui faisait aimer le repos, une sorte de rêverie vague au sortir de laquelle elle paraissait inquiète et agitée. Lorsqu'on l'interrogeait, lui demandant ce qu'elle avait vu, elle répondait d'un ton effaré « Je ne sais pas ». Elle avait vécu ainsi près d'un an, courant les hôtels garnis, couchant ici et là, sans rien perdre de sa sérénité. Comme je lui montrais quelques surprises, et que je ne pouvais vaincre tout le dégoût que m'inspirait une pareille existence, elle est demeurée étonnée, ne me comprenant pas. Un soir, la misère était revenue. Marie allait regagner le grenier de la barrière Fontainebleau lorsqu'elle avait rencontré Jacques. Elle m'a conté cette rencontre d'une voix que je n'oublierai jamais, avec des regards immobiles dans les yeux et des rires bruyants sur les lèvres. C'est elle qui a abordé Jacques, lui demandant son bras parce qu'il faisait noir et que le pavé était glissant. Elle n'avait sans doute pas la moindre mauvaise pensée. Jacques la questionna. Au lieu de la conduire route d'Orléans, il la mena chez lui. Elle le laissa faire, toujours calme. Elle n'aurait peut-être pas quêté un lit. Elle songeait à la paille du grenier. Mais elle acceptait les draps blancs qui lui venaient, sans joie ni répugnance. Depuis ce jour, elle a vécu le plus possible sur le canapé. J'ai cru comprendre que, dans sa pensée, Jacques avait fait une bonne acquisition en prenant Marie. Puisqu'il lui fallait une maîtresse, c'était là celle qui lui convenait, une nature affaiblie et calme qui ne le troublait pas dans son indifférence, une fille insouciante dont il se débarrasserait aisément, une femme charmante dans sa pâleur qui avait toute la grâce de la jeunesse sans en avoir les caprices ni les inconséquences. D'ailleurs, Marie, souffrante parfois, a ses jours de vie et de gaieté. Elle n'est point encore clouée sur un matelas, et lorsqu'elle rit au soleil, parmi ses boucles blondes, elle resplendit, belle à faire rêver Jacques lui-même. Je me suis plu, frère, à vous parler de Jacques et de Marie. Je suis restée 2 ou 3 heures auprès d'eux, oubliant mes souffrances, et j'ai voulu oublier encore en vous contant ma visite. C'est là un monde que vous ignorez. Ce monde est poignant, l'étude en est âpre, pleine de vertiges. Je voudrais pénétrer dans les cœurs et dans les âmes. Je suis attirée par ces femmes et ces hommes qui vivent autour de moi. Peut-être, au fond, ne trouverai-je que de la fange, mais j'aimerais à fouiller le fond. Ils vivent une vie si étrange que je crois toujours être sur le point de découvrir en eux des vérités nouvelles.